Le 19 courant, l'Association des Coréens à New Jersey, États-Unis, a érigé une stèle à la mémoire des victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée nippone, selon une information. Sur la stèle, on a écrit qu'il faut se souvenir des 200 000 femmes qui ont été enlevées par l'armée nippone et soumises à la vie d'esclaves sexuels, ainsi que de leur situation pitoyable. C'est la 8e stèle érigée aux États-Unis.